Bonjour à tous, fidèles auditeurs de la Radio Sanganilo et bienvenue à cette édition dont voici d'abord les grands titres. Ce 21 octobre, le Burundi commémore le 28e anniversaire de l'assassinat du président Merkel Ndadaye, dont nous allons revenir sur son discours dans cette édition. Dans le Mali, de la commémoration de 28 ans d'anniversaire de l'assassinat du prince du président Merkel Ndadaye, Monseigneur Lubéry Nyangé a appelé les Burundais à maintenir la paix. Les jugements dans les tribunaux de résidence du Burundi sont en grande partie des conflits fonciers. C'est l'annonce faite par le ministre de la Justice lors du lancement officiel de la mise en exécution des jugements rendus par des tribunaux de résidence. Vétenu Djumbélé est à la présentation de ce journal. La mise en œuvre est assurée par Albert Ndouaï. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour. Le Burundi commémore le 28e anniversaire de l'assassinat du président Merkel Ndadaye, assassiné le 21 octobre 1993. La Radio Isanganilo revient sur son discours prononcé lors de son investiture le 10 juillet 1993, où il a souligné que le Burundi nouveau sera caractérisé par la paix pour tous. Suivez-le, traduit en français par Oban Nyonghur. Burundi, Burundi Kaz. Le Burundi nouveau que vous avez choisi, par quoi sera-t-il caractérisé? C'est la paix pour tous. Ça se voit que vous aviez soif de la paix. Ce Burundi nouveau sera caractérisé par l'unité nationale, puisque l'unité nationale a été perturbée par des cas d'injustice, de discrimination, de non-respect. Nous allons tout corriger en mettant en avant la justice pour tous, et en priorisant le partage des biens publics à tout le monde, de toutes catégories, ethnies et provinces confondues, en mettant en avant l'égalité de tous devant la loi pour éviter les manipulations. Ce Burundi nouveau sera caractérisé aussi par le respect des droits humains dans tous les domaines et pour tous. Maltraiter son prochain, le torturer, le tuer, l'emprisonner injustement, lui manquer de respect, parce qu'il est pauvre, tout ça, ce sont les caractéristiques de la mauvaise gouvernance. Et tout ça va prendre fin dans ce nouvel État. Les cérémonies de commémoration au niveau national ont eu lieu à Bujumbura ou dans l'homélie de Monseigneur Lubéry Nyangé, Anatole vicaire général de l'archidiocèse de Bujumbura, a appelé les Burundais à maintenir la paix et à garder vif le feu et à éviter de sombrer dans l'obscurité de 1993. Il a indiqué qu'aucune ethnie, aucun parti, à lui seul ne peut rallumer à lui seul cette flamme de paix et d'amour. On l'écoute. La parole de Dieu, de ce jeudi 21 octobre 2021, lit dans toutes les églises catholiques, correspond à l'héritage de feu président Melchior Ndadaye. Deux mots ont retenu notre attention, à savoir le feu et la paix. Concernant le feu, il s'agit d'une interpellation de tout un chacun pour allumer et garder vif le feu de l'amour de Dieu dans nos cœurs et dans le cœur de tous les Burundis inclusivement. Avec ce feu allumé, nous ne connaîtrons plus de longues nuits et des périodes sombres comme celles vécues le 21 octobre 1993 et les autres années bien connues dans notre histoire. Concernant la paix, il s'agit d'être artisans de paix véritables comme Jésus-Christ et faire arriver la paix dans les cœurs. Dans les rêves du président Ndadaye, il fallait tout faire pour que tous les Burundais, inclusivement, aient la paix dans les cœurs. Cela était le premier point sur les 7 points qu'il a évoqués lors de son investiture. Tous les Burundais, chrétiens particulièrement, sont donc interpellés et invités à mettre en pratique leurs engagements baptismaux, à être l'image de Jésus-Christ et mettre tous leurs membres du corps, les yeux, les oreilles, la bouche, la langue, les bras, le cœur, etc., au service de la vie, au service de la justice et de la paix. Sur ce, le président Ndadaye nous a laissé un bel héritage en étant artisan de paix et promoteur de la dignité de la personne humaine et de l'unité. À nous de faire notre cet héritage pour construire notre pays. Ce 21 octobre, des familles se rappellent aussi du massacre de 150 élèves du lycée Kibimba brûlés vifs. Dans une récente correspondance du ministère de l'Intérieur à l'intention de l'organisation AC Génocide de Chirimoso, ce ministère limite à 10 le nombre de personnes pouvant ce jeudi représenter l'association pour les cérémonies à Kibubu suite au COVID-19, poursuit la correspondance. Le gouverneur de la province, Kayanda, demande à la population de consolider et sauvegarder la démocratie par l'augmentation du rendement agricole afin de lutter contre la famine et la pauvreté dans cette localité. Dans cette même optique, Rémi Tshichahayo met en garde quiconque tentera de violer les droits des humains. Il a dit ce jeudi à l'occasion de la commémoration du 28e anniversaire de l'assassinat du président Mekion Dadaye, le héros de l'indépendance. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h passées de 2 minutes dans les studios de la radio Sanganilo, brève sécurité, un Congolais soupçonné d'être un voleur de moteur de bateau de pêche a été arrêté dans le quartier Kanyengoko de la ville de Lumonge vers 23h de ce mercredi. La Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi et la police de Lumonge confirment l'arrestation de cet homme par le comité mixte de sécurité sur cette colline qui l'a remis à la position de la marine burundaise positionnée dans la ville de Lumonge où il était gardé jusqu'à ce jeudi matin. Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, dit que cette fédération disposait des informations que cet homme était également recherché en République démocratique du Congo pour le même motif. Toujours en province Lumonge, perturbation du transport de personnes et de biens à partir de la ville de Lumonge depuis son mardi. À l'origine, c'est la pénurie du carburant où aucune de 8 stations-services opérant dans cette ville n'en distribue pas et le ticket de transport est passé du simple au double. Les passagers et les conducteurs de véhicules motorisés demandent au gouvernement burundais de vider cette question devenue monnaie courante. Jean-Pierre Misago. Depuis ce mardi, une course de 500 francs burundais à moto est allée à 1000 francs burundais et celle de 1500 francs burundais à voiture et à 2500 francs burundais, voire 3000 francs burundais. À partir de la ville de Lumonge, les conducteurs de véhicules motorisés utilisés dans le transport disent être dans l'obligation de revoir à la hausse le prix du ticket de transport, arguant qu'ils doivent récupérer le carburant utilisé acheté à 5000 francs burundais le litre sur le marché noir. Et là aussi, les passagers disent payer malgré eux, car les engins de transport se raréfient sur la voie publique, les uns garés chez leurs propriétaires par manque de carburant, les autres, comme certains motards, préfèrent travailler dans la clandestinité les heures avancées où chaque course dans la ville de Lumonge vaut 1000 francs burundais. De cette façon, ils disent espérer récupérer le carburant et réaliser un petit bénéfice. L'inquiétude, c'est également du côté des pêcheurs qui redoutent l'arrêt de leur activité après la semaine de repos et tous demandent au gouvernement burundais de vider définitivement cette question. Certains des pompistes interrogés préfèrent le silence, d'autres disent distribuer du carburant en cas de sa disponibilité, d'autres encore disent qu'ils attendent d'être servis à Gitega où ils s'approvisionnent. Jean-Pierre Misago de Lumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. 20 maisons en étage sur 28 qui sont en train d'être érigées dans le quartier Miroir, se trouvant dans la zone urbaine de Wutelele par la Banque de l'Habitat du Burundi, ont déjà eu des acquéreurs. Cela a été dit le soir de ce mercredi par l'administrateur directeur général de la BHB lors de la visite pour constater l'état d'avancement des travaux de construction. Didas Ngendakumana fait savoir que la BHB compte construire, dissiper d'autres maisons dans les provinces Gitega et Lumonge. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney. L'ex-fonds de promotion de l'habitat urbain avait la principale mission de faire la promotion des logements sociaux, de développer aussi les bâtiments à usage socio-économique. C'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de réaliser le premier projet ici qui consiste à construire 28 maisons en étage. Ce sont les parties en trois catégories. À côté ici, vous avez vu aussi un autre projet qui consiste à construire des appartements en quatre blocs de 5 niveaux qui va contenir ensemble 80 appartements. Il y a aussi les études qui sont en cours pour démarrer les mêmes activités dans la ville de Gitega. Et nous allons continuer pour faire de même dans d'autres villes du pays, à commencer par Ngozi et Rumonge. Et nous pensons que d'ici de l'année prochaine, 2022, et toutes ces maisons seront terminées. Nous profitons de cette occasion pour inviter les Burundais qui veulent acquérir ces maisons, que ce soit ces villas en étage. Sur 28, seulement 20 ont déjà eu des acquéreurs. Il y a les 8 qui restent, qui n'ont pas encore eu des acquéreurs. Et quel est le coût exigé pour habiter ces maisons? Le coût d'acquisition varie selon la catégorie de la maison que l'acquéreur souhaite avoir. La première catégorie coûte 300 millions, la deuxième catégorie 340 millions et la troisième catégorie 500 millions. On est en train de finaliser les coûts pour ces appartements que je viens de dire, qui sans doute est relativement très réduit par rapport à ces villas que vous venez de voir ici. Page justice de cette édition, le jugement dans les tribunaux de résidence du Burundi sont en grande partie des conflits fonciers. C'est une annonce du ministre de la Justice, Jeanine Nibidzi, ce mercredi lors du lancement officiel de la mise en exécution des jugements rendus par les tribunaux de résidence. La ministre a invité les citoyens à approcher la justice s'agissant des problèmes dans les communautés. Certains de citoyens dont leurs jugements ont été mis en exécution apprécient au travail. Nous allons revenir sur cet élément sonore dans notre édition ultérieure. Et c'est par ici qu'elle prend fin cette édition. Nous vous remercions, vous tous qui étaient à l'écoute. Merci à Albin Douaye pour sa parfaite collaboration technique. Vétène Jimbele qui vous l'a présenté. Vous souhaite de passer une bonne journée.